C'est pour nos thèses, les gars, on baisse pas les bras, on chantera ça, ça fait pour les gagas d'en bas, fou et fada, vu que nos vies ouais il faut de la maille, tu connais les bails sous vodka bambou. Pour ta thèse mon gars, non ne baisse pas les bras. Frangin, sache qu'on ne fait que passer, la vie tu la sens pas passer, c'est pas un joint de bleu, c'est un peu comme une Marlboro Light. On la fume sans arrêt, la consume à petit feu, rêvant de la lune en projet, de bâtir un avenir, de construire une famille. Parce que le bonheur chez nous ne s'arrête pas, villa et piscine, des ambitions, j'en ai par-dessus la tête. Oui là le futur m'appelle, j'ai pas le choix, regarde-moi, je suis un tueur de l'aide. C'est pour nos tests les gars, on baisse pas les bras, on chantera ça, ça fait pour les gagas d'en bas, fou et fada, vu que nos vies se barrent la la la la. Ouais il faut de la maille, tu connais les bails sous vodka bambou. Et banana drive. Pour ta thèse mon gars, non ne baisse pas les bras. Et j'ai du mal à trouver les mots, perdu dans un océan de flots. Je laisse couler ma plume, je relate en ghetto. Je relate en ghetto, alors je m'enfuis mais je m'enfuis dans mes songes pour mieux trouver les mots. Pour mieux trouver les mots, et j'ai du mal, mais je me soigne, j'avance entre les bas et les hauts. Entre les bas et les hauts, bas et les hauts. Entre les hauts et les bas, les mots et les actes, les folles et les sages, les gosses sont pâles et le hall il est sale. Alors je m'isole et je m'évade, je fais ça comme je peux. En détresse, j'évacue le stress, je fume pas de com' mais des gros joints de peu. Je joins de peu, je veux dire de plus que la tease m'amuse. Je suis un pocheron moucheron et à ta guise j'abuse. J'aiguise ma plume, je m'épuise, j'assume. Mais même bourré, je pourrais te rouler, te couler. Moi je fais la tease, j'assume. J'écris la hurle, je la vide, je la décris, je la hurle. Sur tous les toits, je suis sûr de moi, j'arrive à vivre à l'ure. La zig, je l'allume, sur doux et froid, je m'étripe, je bois. Sur chaque titre je m'applique et je me nique les doigts. Et pété, je te le répéterai des dizaines de fois. J'ai faim, j'ai soif de gang et de tout plein de choses. Et c'est tout simple, j'explose. Ramène ton essaim, que mes moucherons les cognent. C'est pour nos tests les gars, on baisse pas les bras, on chantera ça, ça fait pour les gagas d'en bas, fou et fada, vu que nos vies ouais il faut de la maille, tu connais les bails sous vodka bambou. Et ta thèse mon gars, non ne baisse pas les bras. Na na na na na na. Ouais, c'est pour nos thèses les gars. Ça fait na na na na na na. On baisse pas les bras, on chantera ça. Ça fait na na na na na na. Ouais, les gars gars d'en bas, fou et fada. Ça fait na na na na na na. On chantera ça. Pour ta thèse mon gars, non ne baisse pas les bras. Et j'ai du mal à trouver les mots, perdu dans un océan de flots. Je laisse couler ma plume, je relate en ghetto. Je relate en ghetto, alors je m'enfuis, mais je m'enfuis dans mes songes pour mieux trouver les mots. Pour mieux trouver les mots, et j'ai du mal, mais je me soigne, j'avance entre les bas et les hauts. Entre les bas et les hauts.